Mosaïque. Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Mosaïque de cette semaine, nous allons parler des activités de la Commission nationale de dialogue interne. Il y a peu, le rapport des activités de cette commission pendant les 6 premiers mois a été mis au grand jour. Ce rapport dit que la plupart des intervenants souhaitent que le président de la République exerce plus de 2 mandats. Aussi, la majorité, selon toujours ce rapport, la majorité des Burundais qui se sont exprimés soutiennent que la Constitution prime sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et enfin, le rapport dit que tous les intervenants ont proposé que les ex-chefs d'État soient rayés de la liste des sénateurs. Ce rapport a suscité des remous au sein de la société burundaise. Les uns se posent des questions de savoir combien de gens qui se sont exprimés pour que l'opinion soit considérée comme majoritaire. Est-ce que tous les intervenants ont parlé de la même manière? Personne n'a donné la version contraire de celui de son voisin. Combien de Burundais restaient-ils à s'exprimer? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le travail de cette commission soit apprécié par l'ensemble des Burundais? Voilà quelques-unes des questions autour desquelles nous allons mener ce débat. Et justement, pour mener ce débat, nous sommes ici au studio avec 3 invités. Le premier invité, c'est Festus Nanyungu, secrétaire exécutif de la Commission nationale de dialogue interne. Monsieur Festus, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci beaucoup. Le deuxième invité, c'est le professeur Évariste Ngaïmenda du parti UPRONA, non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Ils disent que c'est l'UPRONA de l'opposition. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, madame. Et encore une fois, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci. Le troisième invité, c'est Faustin Dikoumana, président du Parole et Action pour le changement des mentalités. Monsieur Faustin, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et bienvenue aussi dans l'émission Mosaïque. Marie-Ange Zeyman a animé ce débat, Léonce Vitaliho à la réalisation. Encore une fois, bonjour et bienvenue. On n'oublie pas qu'Eric Ouimana assure la mise en onde. Mosaïque. Et voilà, la première intervention est accordée au secrétaire exécutif de la CNDI, M. Festus. Quand la commission dit que la majorité des intervenants ont souhaité que le président burundais exerce plus de 2 mandats, on aimerait avoir des précisions par rapport à l'échantillonnage. Combien de Burundais se sont exprimés dans les 6 mois? Et quand le rapport parle justement de la plupart, ça signifie combien d'intervenants par rapport à quel effectif? Merci pour la question. En fait, de chiffres, je pense que l'approche ne serait pas bonne en soi parce que en réalité, pour toucher une population statistiquement parlant de 10 millions de personnes aujourd'hui au Burundi, il s'est avéré impossible de le faire. Ce qui fait qu'on a dû recourir à une technique connue dans l'enquête, dans les enquêtes d'opinion. Passons par l'échantillonnage. En fait, l'échantillonnage ici aussi, on n'a pas utilisé la méthode habituelle. Donc aléatoire, c'est-à-dire que un procédé aléatoire, c'est-à-dire que c'est au hasard qu'on choisit les personnes. Ici, on n'a pas choisi de façon aléatoire. On a suivi, et on a recherché les groupes qui constituaient et qui sont porteurs en fait des opinions de Burundi en général. Et en cela, nous avons mis en premier lieu les partis politiques, en avant et en avant donc les partis politiques, et puis les confessions religieuses, la société civile, les organisations de jeunes, les femmes, et les minorités, tout cela, ça fait une vingtaine de groupes. Et c'est cette vingtaine de groupes que nous invitons au prorata de ce que nous pensons être représentativement. Par exemple, quand vous prenez l'Église catholique par rapport à un petit groupe donc de gens qui adhèrent, vous voyez, la proportion, ce n'est pas la même chose. Donc, on pondère. Mêmement, pour d'autres groupes, alors on invite ces gens, les représentants, en donnant des invitations. Autrement dit, le groupe qu'on croit être représentatif par rapport à d'autres reçoit plus d'invitations qu'un autre qui est très minoritaire. Et de manière générale, c'est dans les 250 et 300 invitations qu'on envoie pour une séance que nous organisons au niveau national, provincial ou communal, excepté au niveau collinaire. Et quand nous y arriverons, ce sera l'ensemble de la population adulte qui sera invitée parce que capable d'être animée directement. C'est la démocratie directe, si je pouvais dire comme ça, ce qui ne peut pas se faire à la province, à la commune, au niveau donc national. C'est comme ça donc que nous rassemblons les gens et nous leur disons, et nous avons une seule question qui sert de référence pour tout ce que vous allez dire aujourd'hui. Et nous disons, donc, donner ce que vous croyez pouvoir être un remède qui soit consensuel pour la grande majorité ou consensuel pour tous les Burundais, afin que la paix et la démocratie soient durables dans notre pays. Et alors, nous les donnons au départ, on les annonce ce thème-là, et puis, à tous les niveaux, à chaque séance, et on leur demande pendant 15 minutes de transcrire cela par écrit, les présentations, les contributions que la population donne. Et nous leur disons pendant 15-20 minutes comme ça, et les gens inscrivent leurs contributions. Et on arrive, quand on commence les débats effectivement, on arrive à donner la parole à des dizaines ou des centaines de personnes pendant la séance. Et tout le monde remet la copie. Donc, les questions, donc les réponses données, et y compris ceux qui n'ont pas pu parler. Et nous collectons l'ensemble de ces contributions, nous les classons commune par commune, province par commune, et aussi au niveau national. Et c'est ce que nous sommes en train de dépouiller maintenant. À la fin, alors, et peut-être anticipant sur une question que vous pourriez me poser, à la fin, il y aura un rapport général. Ce rapport général montrera les recommandations. Non, ce qui est sorti de ce dialogue. Mais je veux dire, en attendant, parce que vous en avez parlé qu'on a fait pour 6 mois, les 6 mois, vous avez posé indirectement les questions, c'est parce que dans le décret qui met en place la commission, il est prévu de donner un rapport trimestriellement. Ce qu'on a donné, ce n'est pas le rapport au final de la commission, mais c'est l'état des lieux seulement de ce qu'on vient de faire. C'est tout simplement pendant ça. Pendant les 6 mois. Pendant les 6 mois. On a fait un rapport de 3 mois. C'est déjà parti, on a fait 6 mois. Mais c'est à 3 mois, on n'a pas fait une conférence de presse. On a fait la conférence de presse seulement pour les 6 mois. Et c'est pourquoi peut-être bien ça fait plus de bruit que quand il y avait 3 mois. Professeur Ngaï Menda, comment vous évaluez le rapport de la CNDI? Est-ce que vous avez été invité? On n'a pas été invité. Si on devait être invité, on aurait dû l'être dès le départ. Je crois que le problème réside dans le mécanisme même, dans le processus de mise en place de cette CNDI. Si réellement c'est une commission de dialogue, parce que dans le dialogue, il y a deux. Et on sait, on connaît le contexte dans lequel cette commission a été créée. C'est quand même un contexte à tout le moins politiquement troublé, avec les réfugiés qui sont à l'extérieur, avec surtout une grosse partie de la classe politique de l'opposition qui est à l'extérieur, qui est en exil, et qui sur laquelle pèsent même des mandats d'arrêt. Et après la fameuse mascarade électorale, et on croit que c'est le moment de mettre en place une commission avec un mandat aussi politiquement délicat. Était-ce réellement le moment? Quand on dit dialogue, on dit deux. Quelle est la base de constitution de cette commission? Qu'il y ait des gens de différents partis politiques, différentes confessions religieuses, je n'en doute pas. Mais en la matière, je crois que le processus est aussi important que le résultat. Et la forme enveloppe le fond. À partir donc du moment où la mise en place de cette commission-là ne résulte pas d'une négociation entre différentes parties prenantes, surtout qu'il s'est avéré par la suite que finalement cette commission a conduit des ateliers sur la constitution, sur l'accord d'Arusha. Écoutez, pour quiconque connaît la genèse de ces instruments-là, je ne crois pas que ça soit vraiment le cadre ni le moment d'en discuter. On s'attendait plutôt à ce que l'exercice soit bien sûr consensuel et porte donc sur l'évaluation de l'accord d'Arusha. Est-ce que l'accord d'Arusha a été mis en œuvre? Est-ce que la constitution telle qu'elle est a été mise en œuvre? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? Mais encore une fois, il faut que si vraiment on veut aboutir à un exercice crédible, il faut que cette commission soit l'émanation de la volonté de différentes parties prenantes. Or, telle qu'elle est dans le contexte qui a été mise en place, je crois qu'elle est davantage l'émanation du pouvoir qu'autre chose. Et de mon point de vue, il va s'inscrire dans la logique du pouvoir. Mais quand on dit qu'il y a des partis politiques, il y a la société civile, il y a les hommes religieux, est-ce que là, ce n'est pas une commission qui rassemble tout le monde? Quand je vous dis qu'en la matière, la forme enveloppe le fond. C'est exactement ça que je veux dire. Donnez-moi 3 ou 4 heures. Demandez-moi une liste des gens du parti au pouvoir, de l'opposition sous toutes ces différentes facettes, de la société civile dans sa pluralité, des confessions religieuses dans leur pluralité. Je vais vous la fournir dans quelques heures. Est-ce qu'on peut qualifier cette commission-là de crédible que j'aurais créée ? Faustin Dikoumana, comment vous évaluez le rapport de la commission ? Est-ce que vous êtes invité, vous avez participé ? D'abord, comme je l'avais dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert d'échantillonnage pour dire que les gens qui ont été invités l'ont été pour contribuer d'une manière efficace, pour avoir un résultat par rapport aux défis actuels. Mais je dois dire que, à un certain moment, quand on a invité la société civile, j'ai vu une invitation et quelqu'un de Parsem est allé, il a fait ses contributions. Mais ce que je dois dire en cette matière, c'est que, oui, il y a une commission nationale chargée de piloter actuellement un dialogue interne. Je dis, il faut d'abord analyser l'étape à laquelle on se trouve aujourd'hui. On est à quelle étape ? Les Burundais ont un accord qui leur a permis de tracer la trajectoire de la réconciliation nationale. C'est l'accord d'Arusha. Et cet accord, dans tous ses aspects, protocoles divers, il est en train d'être mis en application. Mais la phase la plus importante de commission vérité-réconciliation n'a pas encore fait son travail pour cimenter réellement la réconciliation entre Burundi. Des fois, au niveau même des débats, on a entendu, on voit même que cette commission a encore du pain sur la planche parce que la commission a encore des choses à vider. Alors, je conçois pas comment aujourd'hui l'étape d'Arusha peut être un peu minimisée par rapport à un dialogue interne. Et parce que je me souviens, et pour montrer l'importance de l'accord d'Arusha, je me souviens des colloques de l'international qui avaient été organisés sur le parti unique. À cette époque-là, des colloques comme ça, à l'intérieur du pays, on dit la l'unité, on chante les colloques, on dit qu'on a mis une commission nationale, on a fait ceci. Mais le lendemain, les choses sont compliquées. Mais l'accord d'Arusha, suite à la vigueur, à la diversité des gens qui ont participé, à sa rédaction, à sa signature, elle a pu concevoir quelque chose de concret par rapport à la charte de l'unité nationale. Ça veut dire que l'accord d'Arusha a réussi, la charte de l'unité nationale a échoué. Suite à la consistance de ceux qui avaient été invités pour concevoir, plutôt pour construire la paix au Burundi. Aujourd'hui, alors, je me dis, il faut plutôt sensibiliser la population. Parce que jusqu'à maintenant, les citoyens n'ont pas encore bénéficié d'une campagne digne de sensibilisation sur le contenu de l'accord d'Arusha. Pour savoir que c'est un processus qui continue. Depuis l'arrêt de la guerre, l'élaboration de la constitution, parce que la constitution consacrant le partage du pouvoir entre les minorités et la majorité pour préserver même les droits des uns des autres. Aussi, l'accord d'Arusha avait jeté les bases d'une bonne gouvernance universelle permettant justement de baliser ce que les faiblesses humaines ne constituent pas une entrave à la bonne gestion des affaires publiques. Chez l'homme, la faiblesse, la première faiblesse chez l'homme, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Comment baliser ce que l'égoïsme n'entrave pas la bonne gestion des affaires publiques? C'est quoi on a dit, il faut faire des balises, des mandats, il faut limiter pour que les gens n'aient toujours pas la tendance à étendre pour une raison ou une autre. Donc il y a des valeurs vraiment qui sont contenues dans l'accord d'Arusha qui peuvent nous permettre à construire la paix. Par ailleurs, même aujourd'hui, quand on entend les contributions des citoyens à travers, ils reviennent sur les conclusions qui se trouvent dans l'accord d'Arusha. Pourquoi alors qu'on devrait plutôt voir où on en est avec ce processus de réconciliation, où on en est avec la mise en application de la Constitution. Parce que la Constitution aussi, elle a des aspects qui n'ont pas encore été mis en application aujourd'hui. La Cour d'Arusha, par exemple, demandait le renforcement de l'indépendance de la magistrature. On demandait la mise sur pied de la Haute Cour de justice. Jusqu'à maintenant, cette tension n'existait pas. Le Conseil de l'unité nationale n'est pas encore là. L'Observatoire pour prévenir les actes de génocide, de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas de membre de cet observatoire. Mais des fois, c'est surprenant d'entendre des débats ou sur le génocide au Burundi, alors que la Constitution prévoit qu'il y a un mécanisme de prévention du génocide. On voit que quelque part, chez les politiciens, il y a des spéculations, il y a des quoi. tous les textes qui amènent sont là, mais on a toujours vu la tendance d'exploiter et de laisser ce que c'est sur les intérêts des uns et des autres. Je retourne en un camp, par exemple, le lendemain de la signature de l'accord d'Arusha, on a mis un gouvernement de transition. Et pour justement baliser à l'égoïsme, on a dit ceux qui vont piloter la transition, ils ne vont pas se porter candidat à la présidence. Ah. Mais des débats commençaient à dire il faut laisser. La période de transition, 18 mois en président, l'autre 18 mois en président. Au moment du passage de pouvoir, il y a toujours un peu de rôle. Même aujourd'hui, on a vu des mal. Et les seuls demandent, il faut encore des roms, il faut changer, il faut faire quoi. Je le dis franchement, les politiciens burundais doivent changer d'attitude. Ça, c'est de l'égoïsme qui se manifeste en délaissant des textes fondamentaux qui contiennent des éléments de roi qui renforcent et cimentent la réconciliation et fondent la base de l'état de droit. Je leur dis, il faut vraiment changer de mentalité plutôt, évoluer parce que des fois ce sont même les agents de l'état qui essaient d'influencer toutes ces choses pour peut-être on y reviendra dans la phase des propositions à la fin de l'émission. Festus Nanyungu, des gens craignent à travers l'organisation du dialogue interne qu'il y aurait une certaine volonté cachée derrière d'ignorer carrément l'accord d'Arusha. Ces inquiétudes sont fondées ou sont pas fondées? Un petit commentaire, je n'ai pas très loin sur ce que les autres ont dit, mais quand même, par rapport à ce que M. Ngaïm Benda a dit, il dit était-ce le moment? Vraiment, c'est pas moi de répondre à cette question. Que cette question-là, ils sont partis poser ça au chef de l'État et à lui demander est-ce que monsieur le chef de l'État fallait-il mettre la commission. Ah, je ne suis pas là pour répondre à cette question. Et je crois que là, il conviendra avec moi. Par rapport à ce que a dit monsieur Faustin de Parcel, il dit que la cour d'Arusha est en processus. Je dis donc, et pour monsieur Faustin, il dit que la cour d'Arusha est en processus qui continue. Moi, je dis tout à fait. En tant que phrase comme ça, principe, affirmation, c'est tout à fait juste. Mais comment? Pas comme l'accord d'Arusha, non. Comme activité qui resterait ou qui aurait été peut-être pas mise dans la constitution ou pas bien réalisée, le cas échéant, mais pas l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha a été remis, j'allais dire presque au musée, par la constitution, étant donné que c'est le peuple qui a voté une constitution. Je n'ai pas peur de ces mots-là. Les matières constitutionnelles, je les connais. Je ne suis pas spécialiste. L'accord d'Arusha ne dirige plus le Burundi depuis que la constitution qui nous dirige aujourd'hui existe. On ne peut pas, il n'y a pas bicéphalisme juridique au niveau de l'État burundais. Il n'y a qu'une seule constitution. Et je ne veux pas discuter longuement avec ça. Celui qui veut, il croit. Celui qui ne veut pas, il laisse. Et celui qui révèle la question pour qu'on en débatte, je ne répondrai plus. Je ne fais que constater seulement. Ouais. Alors, si cela... Il y a des activités, effectivement, qu'on peut voir qu'il n'a pas. Il a parlé de la haute cour de justice, par exemple. C'est vrai. Elle n'est pas encore mise en place. Ça, c'est vrai. Alors, il faut voir si ça peut, quand ça peut, c'est normal. Ou l'autre, il y a une autre question. La commission vérité et réconciliation vient d'être mise en place. Elle doit continuer ses activités. En fait, l'ensemble des activités qui auraient dû être terminées avec la période de transition, qui sont encore en cours ou n'ont pas encore commencé, devraient faire partie d'un programme précis et aller le donner le temps qu'il y faut. Et le monde le sachant, la population burundaise le sachant, disant il est resté ceci dans la cour d'Arusha qui n'a pas et qu'on a convenu tous, que donc ça doit se mettre en exécution. Cela est vrai, ça doit se faire. C'est naturel, c'est la continuité de l'État. Et tel président est remplacé un autre et tout ça. Les gouvernements sont en place, mais l'activité, la permanence de l'État, c'est comme ça. Donc ça, c'est normal. Il n'y a pas un débat à faire à cela. Mais seulement, quand nous disons que continuation d'Arusha à travers la Constitution, c'est parce que c'était dit ça comme ça dans l'accord d'Arusha. Mais comment? Même que c'est la Constitution qui venait de l'accord d'Arusha qui est là, là aussi, la Constitution elle-même prévoit son mode de modification. Donc, aucune personne ne s'étonne que la population ou d'autres disent il faut que la constitution change, c'est naturel. Il faut analyser si les conditions réunies, tout simplement. Donc, c'est légal. C'est légal. De toute façon, qu'est-ce que moi, vous voulez que j'en dise? Si les gens disent il faut changer ceci, il ne faut pas que les présidents restent à la. Et les là-bas. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, l'article 209. Ça, c'est autre chose. Je dis, telle que la loi le dit, autrement dit, la Constitution, y compris l'article 209. Ouais. Là aussi. Et peut-être qu'on embraye par là. Mais qu'il précise, je suis tout à fait d'accord. Oui, et peut-être qu'on va embrayer par là. Il ne faut pas violer la Constitution. Et peut-être qu'on va embrayer par là. Et quand le rapport dit que la plupart des Burundais qui se sont exprimés ont souhaité qu'il y ait plus plus de limitation de mandat. Quel motif, quel argument ils avancent? Avant que vous n'alliez, madame, je vais moi-même faire l'autocritique de la commission. Parce qu'après la conférence de presse qu'on a organisée là, à Outlook le Rotal, les gens ont dit, vous avez dit qu'il y a la majorité qui ont dit ceci. Mais vous avez oublié de la dire la minorité, c'est vrai. Nous acceptons la critique qu'on nous a faite. La prochaine fois, quand on sortira un communiqué, on dira la majorité a dit ceci et la minorité a dit ceci. Vous êtes d'accord? Là, j'anticipe vraiment. Oui, les critiques sont sorties. La critique que nous avons acceptée, nous sommes rendus compte qu'en disant la majorité a dit ceci, et on a omis, rien que pour cette question de la constitution seulement, pour les autres, c'était l'unanimité, donc on n'y avait pas dit la minorité et la majorité. Il n'y a personne qui a dit que les membres de... Donc les anciens présidents restaient là-bas. Tout le monde dit qu'il faut qu'ils partent. C'est vraiment, et je ne dois pas commenter ça, moi. Non, non. Moi, je lis seulement ce qu'ils ont dit. Ça, vraiment, je n'entre pas dedans. C'est pas, je n'ai pas d'opinion, moi, sur ces questions-là. Je ne peux pas. Oui. Mais je dis autocritique. On a dit majorité pour la question des mandats ou pour les présidents ou sur les trois questions comme ça de la Constitution. Mais on a constaté qu'on a oublié de dire majorité a dit ça, minorité a dit ça. La prochaine fois, on corrigera. Et puis, on embraye sur les motifs, sur la question qu'il n'y ait plus limitation de mandat. Ne donne pas tellement d'arguments. Ce sont des gens qui ne donnaient pas beaucoup d'arguments. C'est la constatation seulement que dans le pays, l'insécurité, ce n'est pas un débat académique, c'est l'insécurité. Tout ce qui est venu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une question de mandat. Les gens vous disent, bon, s'il y a un problème de mandat, alors que chacun se présente à chaque élection. Je dis ce que j'ai vu, hein, c'est comme ça. Qui se présente à chaque élection? Et la population qui l'élise. Mais si mes partenaires ici commencent maintenant à me dire que j'engage un débat, je dis je refuse. Vous m'avez demandé de dire ce que la population dit. Ne me demandez pas mon opinion. Je n'ai pas d'opinion en tant que secrétaire exécutif de la commission. Oui, professeur Evariste Ngaïmenda, par rapport aux motifs, par rapport aux arguments sur la limitation des mandats, est-ce que vous avez à dire? Ah, bien sûr. Je crois que le problème ne vient pas du fait que la Constitution a prévu un nombre de mandats précis. Non, le problème vient du fait qu'on ne veut pas justement respecter ce nombre de mandats qui sont constitutionnellement prévus. Et je voudrais surtout rappeler que la limitation du nombre de mandats n'est même pas une innovation du processus d'Arusha. L'accord d'Arusha l'a réaffirmé, sinon le principe remonte à la constitution de mars 1992. Je crois que c'est l'article 61 qui dit très très explicitement que nul n'a droit à plus de deux mandats. Ceci dit, je voudrais venir à un certain nombre de considérations. Bon, de mon point de vue, je ne m'attends pas à beaucoup de choses de cette commission-là, parce qu'on ne peut pas faire du bon avec du mauvais, par principe. Parce que je vous ai dit que le problème fondamental dans cette commission, c'est dans le processus de sa mise en place. Parce que cette commission n'est l'émanation d'aucune discussion entre parties prenantes. Voilà pour le départ. Maintenant, comme on est dans le débat, on va un peu progresser, mais ne perdez pas de vue cette prémisse. Je voudrais un peu revenir donc sur un certain nombre d'éléments. J'ai comme impression, et ce n'est pas une impression, c'est du vérifiable. Quand vous prenez le BOB, vous parcourez un peu depuis l'avènement au pouvoir par le CNDD-FDD, vous savez, la référence à l'accord d'Arusha en tête, elle est exceptionnelle dans les textes législatifs et réglementaires. Ça veut dire en fait qu'on a affaire à un pouvoir qui est là en vertu de cet accord, mais qui accepte difficilement cet accord. On l'a vu par ailleurs avec la tentative de révision de cette constitution de 2013 qui, fort heureusement, n'a pas abouti. Je voudrais revenir sur la genèse des deux instruments. On a tendance à minimiser l'accord d'Arusha. J'étais tout à l'heure surpris d'entendre de la part de mon collègue que cet accord est dans le musée depuis longtemps. Alors je ne comprends pas pourquoi on continuerait à s'acharner sur une chose qui n'existe plus. Pourquoi, malgré qu'elle ait été renvoyée au rancard, elle continue quand même à gêner? Il y a quand même un problème. Vous savez les circonstances dans lesquelles l'accord d'Arusha a été négocié, a été signé, avec quel niveau de parrainage et quel niveau d'implication internationale. On sait aussi que cet accord, bien sûr, c'est un accord entre Burundais, mais c'est un accord qui, quelque part, a comme garant la communauté internationale et l'Union africaine. Ça voudrait donc dire que la remise en cause de cet accord, que la révision de cet accord fasse objet d'un processus de dialogue, d'un processus négocié entre différentes parties prenantes, à peu près autant que, par rapport à, autant que ce qui s'est passé dans sa mise en place. Mmh. Or, voilà qu'on fait avancer un tel débat, alors que le gros des leaders des partis de l'opposition sont en exil, que des mandats d'arrêt court derrière eux, que à peu près 300 000 Burundais sont en exil, que d'autres milliers sont en prison, d'autres disparaissent au jour le jour. Est-ce que le contexte s'y prête? Mmh. Troisième élément, il y a quand même l'article 299. Si on doit minimalement respecter la loi, l'article 299 de la Constitution qui préconise qu'aucune révision de la Constitution ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à l'unité internationale, à la cohésion du peuple burundais, à la réconciliation, aux valeurs démocratiques, etc. Il faut quand même qu'on se convainque que si cette commission devait aboutir à quelque chose du genre, ça serait à tout le moins une démarche tout à fait unilatérale. Et je suis bien placé pour le dire parce que quand même la rumeur commence à courir et que le travail de la commission risquerait de conduire à un référendum. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais quand même, ça se raconte. Et si ça devait aller comme ça, je crois que ça serait extrêmement malheureux. Je vais terminer par quelque chose. Notre ami Festus dit, voilà, il y a une question que l'on pose. Quel est le remède pour qu'on puisse véritablement asseoir la paix et la démocratie durable? Voilà la question que l'on pose pour une commission qui, dans ses missions, doit animer des ateliers sur les questions sociales, sur les questions de développement économique, sur la charte de l'unité nationale. Apparemment, il y a une focalisation. En réalité, cette question ne pourrait valoir que si on pouvait dire, voilà, on a mis totalement en œuvre l'accord d'Arusha. On a tout fait pour mettre en œuvre la Constitution. Mais on constate qu'on n'a pas la paix. On constate qu'il n'y a pas la démocratie. Or, est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'accord d'Arusha a été appliqué? Est-ce que la Constitution a été appliquée? Les deux instruments dans les lettres et dans les esprits. Et malgré tout, la paix n'est pas revenue. On ne voit pas la démocratie. Ce n'est pas le cas. Parce que justement, aujourd'hui, le contentieux politique est burundais. C'est autour de quoi? C'est autour de ce que... du fait que et l'accord d'Arusha et la Constitution sont violés. Et donc, je trouve qu'il est tout à fait inapproprié pour cette commission-là de débarquer sur le terrain avec cette question. Faustin Nikoumana, quel devait être le rapport entre la Constitution et l'accord d'Arusha? D'abord, il n'y a pas de compétition possible entre les deux. Il n'y a pas de compétition possible. L'un a mis sur pied l'autre. Il n'y a pas de compétition entre un père et un fils. C'est impossible. Je ne vois même pas pourquoi les comparer. C'est incomparable parce que l'accord d'Arusha, il a déclenché un processus de réconciliation au Burundi, dont la mise sur pied d'une constitution consacrant le partage du pouvoir entre les communautés burundaises. Et ça a été fait. Quand on est tenté d'évaluer l'accord d'Arusha, justement, on évalue même si la constitution a été mise sur pied et qu'elle est en train d'être respectée. La constitution, c'est l'une des recommandations. Je peux dire, est-ce que l'intégration, la démobilisation a été bien pilotée? Est-ce que les démobilisés aujourd'hui se sont insérés d'une manière dans la société? Ça, c'est une évaluation de l'accord d'Arusha. Est-ce que la Constitution actuellement partage vraiment le pouvoir du pouvoir? Ça, c'est une évaluation de l'accord d'Arusha. Est-ce que la Commission Vérité et Réconciliation a-t-elle déjà terminé son travail? Est-ce que la Commission Téréo, très bien, vous savez, les histoires liées au problème de terre avec la crise burundaise. On peut se poser la question. Est-ce que les forces de défense nationale, les forces de sécurité maintenant sont républicaines, comme l'a voulu l'accord d'Arusha? Est-ce que la gouvernance et la justice fonctionnent bien? Autant de questions alors qui méritent d'être évaluées régulièrement. Sinon, je constate mal comment on peut résumer tout un arsenal de réformes, d'actes louable pour cimenter la conciliation des Burundais, peuvent se résumer sur les histoires de mandat de présidentiel. Non, mandat présidentiel, c'est l'un des aspects pour renforcer la démocratie, pour renforcer le partage du pouvoir. C'est un aspect, c'est un petit aspect par rapport à ce que doit représenter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Et je dois dire alors que, dans ce sens, il faut que cette façon de tracer la trajectoire d'une conciliation véritable, que l'accord d'Arusha a comme le sens même, le sens de son existence, on ne va pas le limiter à simple la constitution. Et je dois dire que la compétition entre les deux n'existe même pas. Je ne vois pas comment on peut comparer deux alors que l'un a mis sur pied l'autre. Pour d'autres, je demanderais plutôt une question aussi au secrétaire exécutif. Mm-hmm. Pourquoi aujourd'hui on dit que le rapport est sorti alors qu'on continue le débat sur les mêmes questions? Il a dit que c'est un rapport pour les 6 mois, ce n'est pas un rapport final. Non, non, j'ai déjà répondu. Non, le décret dit que trimestriellement, il faut donner l'état d'exécution de la mission. Ah, c'est ça. Donc on ne peut pas ne pas donner le rapport. On n'a pas le choix. Et si on donne le rapport, on va vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et si on ne dit pas ce qu'il y a là-dedans, vous allez nous dire c'est vide. Alors, on doit le dire. En fait, c'est ce que je... Bon. Mosaïque. Oui, évoluons dans l'émission. Vous suivez l'émission Mosaïque avec les 3 invités, Festus Nanyungu, Evariste Ngaï Menda et Faustin Ndikumana. Et voilà, monsieur Festus. Le professeur Ngaï Menda, il a souligné certaines inquiétudes par rapport au travail de la commission, aux récoltes, aux résultats. Puisqu'il a dit qu'il y a des Burundais qui sont à l'extérieur, qui n'auront pas peut-être cette opportunité de s'exprimer. Bonjour. Et aussi, il a dit qu'il y a des Burundais, suite à l'insécurité, qui n'auront pas, peut-être, qui ne seront pas touchés ou n'auront pas le droit libre à l'expression suite à l'insécurité. Madame, vous parcourez le pays aujourd'hui. Les groupes dont j'ai parlé, qui représentent les autres niveaux, y a-t-il un groupe qui ne peut pas s'exprimer aujourd'hui au Burundi, qui est dans l'insécurité? Si vous voulez des individus, des gens qui sont partis à l'extérieur, oui, c'est vrai. Mais ce que nous touchons aujourd'hui à l'intérieur du pays, jusqu'à présent, dis-moi, nous n'avons pas encore trouvé un qui nous dise « moi, je n'ai pas dans la réunion parce que j'ai une sécurité ». Mais de toute façon, madame, cette question qu'il aborde un peu de côté renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est la grande question pour eux. J'ai dit que la cour d'Arusha, sa place, c'est au musée. Le musée veut dire quoi? La bibliothèque, parce qu'on ne met pas un musée en document. Enfin, dans la bibliothèque, là. Hein? Un monument, on les met dans les musées. Mais ici, qu'ils entendent, je veux dire la bibliothèque. On va lire là-bas, dans la cour d'Arusha, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait prévu. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Parce que ça a été remplacé par la constitution qui nous régit aujourd'hui. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je vous dis ça. Personne ne va me convaincre ici. Moi, je vais l'écouter, mais il ne va pas me convaincre. Quoi qu'il en fasse. J'étais à Arusha. Toutes les sessions, j'y ai participé. Je sais ce que ça veut dire, l'accord d'Arusha. J'étais membre de la commission d'application de l'accord d'Arusha avant que je ne devienne ministre. Et dans le gouvernement, nous avons dit comment est-ce que ça va s'appliquer tout ça. Rukingama était chargé de l'éducation de la population par rapport à ça. En tant que ministre, moi, j'étais fonction publique. Donc, sous cela, je lisais. Lisez Téléké. On ne peut pas faire dire à la cour d'Arusha ce qui n'est pas dans la cour d'Arusha. La cour d'Arusha dit, une fois que la transition est terminée, envoyez-moi à la bibliothèque. C'est écrit dans les articles. Et ceux qui ont des idées, qui veulent arriver à son imperial, arriver, ça serait le problème. Mais je lis ce que je dis, je le tire dans la cour d'Arusha. Ce que je dis, je le tire dans la constitution. Celui qui va venir nous dire autre chose, je ne discute pas. Je dis, c'est votre droit. Le professeur a souligné aussi que la commission de dialogue inter-burundais ne s'attaque pas vraiment aux vrais problèmes de la société burundaise. Il a dit qu'il ne s'attaque pas aux problèmes d'insécurité, il ne s'attaque pas aux problèmes de pauvreté. Le communiqué de presse que nous avons publié mentionnait que le rapport qui a été transmis au chef de l'État pour disposition, parce que c'est comme ça qu'il est dans le décret, que le rapport comprenait 4 secteurs. Pas 4 points, 4 secteurs. Le premier secteur concerne les contributions à rapport avec la constitution. Le deuxième secteur concerne les contributions à rapport avec l'amendement de certaines lois. Par exemple, le code électoral, ou ceci et cela. Les lois. qu'est-ce qu'il faut changer dans certaines lois pour que nous ayons une sécurité. Avant, c'était la conscience. Troisième secteur, ça concerne le secteur, plutôt, ça concerne l'économie et le social. Et ce qu'il dit, ça se trouve là-dedans. Et s'il veut même que je lui donne des exemples, parce qu'il y a beaucoup d'articles, mais ce n'est pas dans le communiqué que nous avons donné. C'est dans le rapport que nous avons donné. Et à la fin, c'est ce qui est en rapport avec la jeunesse spécialement. Hein? L'éducation, la formation, la démocratie, à la société, à la société, à la paix, tout ça. Ce sont tous ces secteurs qui sont là-dedans. Et c'est repris dans le communiqué de presse. Et s'il veut lire ce qu'il y a dans le communiqué de presse, moi je pourrais lui donner. Mais de toute façon, ça ne changera pas ses idées en ce qui concerne son parti. Et moi je ne suis pas venu ici pour discuter des objectifs et, et des projets de société de son organisation. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus ou de la procédure, du choix des intervenants? Les intervenants... Au cours des séances, le dialogue. Pour les donner la parole. Oui. En principe, la parole, on donne à tout le monde, à tous ceux qui les veulent. Sauf si le temps arrive à ne pas être suffisant. Mais jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas eu de plainte. Parce qu'on dit, les cinq premiers, venez, là-bas, les cinq premiers, ils font la queue devant le micro, comme ça, comme ça. Mais la meilleure façon, monsieur, madame, de me rappeler, j'allais l'oublier. Moi, j'invite mes amis qui sont ici, Gaïm Penda et Frost. Quand nous irons dans les propres communes, qu'ils viennent voir comment nous le faisons. Quand bien même ils nous critiqueraient, ils verraient comment nous faisons. Que c'est vraiment libre quand nous sommes là. Qu'on ne choisit pas celui-là. Qu'on ne lui dit pas, écris ceci, on va signer tout. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des recontards. Qu'ils viennent voir. Nous faisons autant que faire se peut dans un pays où il n'y a pas de statistiques de ceci. Nous essayons vraiment d'approcher pour que finalement nous ayons un échantillon et que finalement nous arrivions vraiment à ce que les gens qui veulent dire la vérité disent et nous les disons de tout ce que vous mettrez, ce que vous direz, ça va parvenir. Donc ça sera inclus dans le rapport. Mais moi, je les invite vraiment à venir dans leur propre commune, d'autant plus qu'on n'est pas encore arrivé ni à Ngozi, ni à Rutana, pour ce qui est des communes, provinces, oui. Donc, je les invite à voir. Comme ça, ils vont vérifier eux-mêmes. Il faut la critique et le cas des gens, ils pourront faire un témoignage, négativement ou positivement, mais ça sera toujours un témoignage. Oui, professeur Ngaïm Menda, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport au choix des intervenants ou par rapport aux invitations? Bien, c'est Gandhi qui disait ceci. Ce qui se fait sans moi, même pour moi, se fait contre moi. S'il y avait eu un souci minimal, que tout le monde participe à ce débat et se sente concerné par ce débat, encore une fois, ça aurait dû commencer par la mise en place de cette commission. Maintenant, Festus dit qu'ils choisissent des représentants. Par principe, la notion de représentation implique une référence explicite à l'organisation que la personne va représenter. Moi, je ne peux pas prendre quelqu'un au sein des DFDD ou au PARSEM, et dire qui représente quoi que ce soit. Non. On envoie les invitations. Ce n'est pas vous couper la parole. On a dit, quand nous sommes là, on n'a pas vraiment de notre histoire pour rien. Non, ça va. J'ai dit, je vais te tranquilliser. La commission demande, donc, a fait la liste et a fait des proportions et envoie les invitations. On n'a pas dit qu'on choisissait les noms des personnes. C'est l'organisation elle-même. Qui dit que ce soit le parti, que ce soit l'église? Nous, on n'entre pas à l'intérieur de cette organisation. Jamais. Non, non, je vous tranquillise. Non, c'est pour vous corriger à temps, vraiment, pour ne pas discuter inutilement. Ok, merci de la correction. Trouvez la formule de représentation la plus excellente qui soit. À partir du moment où il n'y a pas de consensus minimal sur la mise en place, le processus de mise en place de cette commission et la définition de ses missions, je pense que vous savez, en Kirundi, on dit « Nore Zitarimu, Owawe, Nizirioherijish ». Peu importe comment il danse. Alors, maintenant, je reviens quand même un peu sur l'accord d'Arusha. C'est l'accord d'Arusha. Pour, et le mot « pour » est ici extrêmement important. C'est l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Ce n'est pas un accord de paix. Donc, voir un homme politique qui limite la portée de cet accord aux institutions de transition. Moi je suis complètement... Je ne sais pas dans quel monde je me trouve. C'est un accord pour la paix et la réconciliation. Ça veut dire en fait que le peuple burundais s'engageait dans un processus, dans une logique de co-gestion de l'État, de partage politico-ethnique du pouvoir. pas de replâtrage ethnique, non, de partage politico-ethnique du pouvoir que supposait la démocratie de consensus que prêche l'accord d'Arusha et qui a été coulé dans la Constitution. Et là, je voudrais un peu rejoindre Faustin. La hiérarchie entre l'accord d'Arusha et la Constitution a été établie une fois pour toutes. La Constitution est l'émanation de l'accord d'Arusha. On ne peut plus inverser les choses et imaginer un accord d'Arusha qui soit l'émanation de cette constitution, surtout quand on dit qu'elle est en plus dans le, qu'il est en plus dans le musée. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Bon, je vais terminer par un petit détail. Prenons un aspect très, très précis, par exemple, le fait que les ex-chefs d'État siègent au Sénat, cela n'est pas venu par hasard. Ça a été discuté. Mais est-ce qu'on a un jour expliqué à la population le bien fondé que ces chefs d'État siègent au Sénat? Sûrement que non. S'il y avait eu une explication minimale, ne serait-ce que de cet aspect, je pense que cet aspect ne générait plus personne. Maintenant, je suis surpris de voir avec l'acharnement, et les gens disent, voilà, il faut qu'ils siègent. Je ne sais pas quel problème... Quel problème il pose. Je prends un deuxième exemple. La question du nombre de mandats, la limitation du nombre de mandats. J'ai tout à l'heure rappelé que cela remontait à la Constitution de 1992. Ça part d'un principe très simple, que le pouvoir use. Et ce n'est pas seulement au niveau de la magistrature suprême, même à des niveaux de responsabilité beaucoup moins exigeante, beaucoup moins importante. Il y a le principe de la limitation de mandat, même parfois dans nos simples institutions, dans nos simples administrations, dans nos simples associations. Le pouvoir use. Alors, je ne sais pas si au Burundi, on peut trouver quelqu'un qui ne peut pas s'user avec le temps, sachant qu'il est quand même au service du peuple et au niveau le plus élevé. Voilà, j'ai terminé. Oui, Faustin, est-ce que vous avez à dire par rapport justement à ces questions de mandat, ces questions des ex-chefs d'État qui devraient être rayés de la liste? Vous avez suivi les interventions, est-ce qu'il y aurait des arguments fondés? Oui, d'abord un petit ajout. Je vois ici le décret numéro 100/34 qui compose l'organisation fonctionnelle de la Commission nationale du dialogue inter-Burundi. Je vois ici qu'on a déjà mis vire la Constitution de la République du Burundi et puis vire l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Autant mieux plutôt arriver cet accord d'Arusha. Au lieu qu'il soit ici, autant mieux dire qu'il est omisé. C'est comme ça pour tous les textes depuis 2005. En tout cas, bon, encore une fois, je veux attirer l'attention que même à chaque fois qu'un accord de cessez-le-feu fait test, on le décrète qu'il fait partie intégrante de l'accord d'Arusha. Quand on parle de l'accord d'Arusha, les accords de cessez-le-feu sont plus intégrants. Pourquoi alors les énumérer encore les accords de cessez-le-feu ici, FNL, bon, ok. En fait, pour l'accord d'Arusha et la constitution, vraiment, on n'y revient pas. Entre un père et un fils, vraiment, il n'y a pas de compétition, ça n'existe pas. La constitution émane de l'accord d'Arusha. Bon, sur les questions de mandat que je l'avais dit, j'ai dit justement que juste pour renforcer la bonne gouvernance, on essaie de baliser à ce que les faiblesses de l'homme ne soient pas une entrave. Parmi les faiblesses de l'homme, c'est l'usure du pouvoir, la fatigue, l'égoïsme, quoi, c'est tout ça, c'est la faiblesse humaine. Pour améliorer la gouvernance, il faut des garanties, des quoi, des lois. C'est là où même, vous savez, dans les démocraties avancées, c'est là où même on essaie ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. À chaque fois qu'on tourne quelque part, il faut déclarer un conflit d'intérêt. C'est pour baliser à la faiblesse de Christ de l'homme. Dire quand je suis ici, j'occupe ce poste, il me sera difficile de mieux gérer ceci parce que je suis. Voilà, c'est aussi autant. Donc, c'est humain. C'est humain. Pour alors améliorer le système démocratique, on prend des balises. Alors, les Burundais se sont alors dit pour mieux gérer nos affaires de l'État, il faut une alternance au pouvoir pour baliser à cela. C'était une avancée, je peux le dire ainsi. C'était une avancée, même les autres pays en cela. Je ne comprends pas comment on peut reculer par rapport à une amélioration du système de renforcement de la bonne gouvernance et de la démocratie. Pour les questions des chefs d'État, c'est la même chose. Il y avait une discussion. Pourquoi est-ce que il faut plutôt expliquer pourquoi. Parce que il y a même d'autres démocraties où les anciens chefs d'État, des fois, sont membres de la constitutionnelle. On dit un chef d'État doit siéger à la Cour constitutionnelle parce que c'est un sage. Il peut, dans un conseil d'État. Dans un conseil d'État. Pour, oui. Ce sont des choses du genre. Mm-hmm. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, vraiment, le fait que Ndaïze siège à l'Assemblée, le fait que le président au Sénat, que c'est un problème vraiment urgent aujourd'hui qui devrait préoccuper un citoyen qui est à Moussongati ou à des problèmes de survie immédiate. Vraiment, que le fait que nous gagnions est sénateur, que c'est un problème pour lui. Cheminons vers la fin de l'émission, justement, et nous allons proposer des solutions, peut-être. Pour que le travail de la commission puisse servir à l'intérêt de tous. Monsieur Festus Nanyungu, le professeur a dit que la mise en place de la commission n'a pas été objectif et de surcroît, ils ont des inquiétudes sur justement l'objectivité du rapport qui sera final de cette commission. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que cette commission puisse servir à tous les intérêts de la population? Puis j'ai fait une sorte d'anecdote, madame. Mm-hmm. Il m'est arrivé de diriger la commission tripartite concernant la consultation nationale sur la justice de transition. Mm-hmm. J'allais dire la société civile avec Nina Hazoué. Et d'autres ont dit, il n'est pas question que vous soyez là-dedans. Parce que vous allez travailler pour le parti. Il a dit, même le travail que vous allez faire, ça ne sert à rien. Le parti va faire la propagande partout. Et ce qui va sortir, ça sera vraiment les idées du parti. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez la commission faire et on verra après. On a utilisé des méthodes, comme je dis maintenant, on a essayé de trouver des méthodes. Parce que nous sommes dans un pays que nous connaissons et nous savons ce qu'on peut faire de bien ou pas bien. Nous sommes décidés, la commission a bien fait. Allez voir le livre que nous avons sorti sur les consultations nationales. Nul n'a fait la critique négative. Il peut y avoir des choses que négatives. Mais c'est bon, c'est bien fait. Ici, il ne faut pas qu'on fasse un procès d'intention à la commission. Si jamais cela se dit après ce qu'on aura fait, et entre autres cas, c'est mes partenaires ici, viendront en voyant ce qu'on est en train de faire. Parce que d'une fois, ils disent une chose et disent le contraire après. Ils disent que l'accord d'Arusha, c'est le père, et que la constitution, c'est l'enfant. Mais inversement, ils disent autre chose quand on dit d'abord, le peuple s'exprime. Ils disent non. Ce n'est pas le peuple qui doit s'exprimer avant. C'est d'abord les commissions. Il faut d'abord la commission, il faut la modifier. Mais la population est en train de s'exprimer. Et on a dit que de toute façon, l'accord d'Arusha, c'est le père. Moi, je dis vraiment, cette référence à la paix, au père, à la mère, au fils, ça n'a rien à voir avec vraiment la science. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable, ces choses-là. Qui trouve d'autres arguments que d'aller à la maternité? Ils n'ont vraiment rien d'autre à dire. Quand ils comparent les textes juridiques ou scientifiques, qu'à se référer à la maternité, ça c'est naturel, ne change rien. S'il vous plaît, qui disent autre chose, qui critiquent. Et moi, je ne suis pas ici pour défendre qu'on dise deux mandats, qu'on dise on change les lois. Non. Moi, je dis, c'est pour la commission, comment elle est en train de travailler. Les problèmes qu'ils ont avec le gouvernement, avec l'État, avec les partis, moi je ne répondrai pas. Je ne représente aucun parti ici. Donc, je représente ma commission, je ne réponds que pour les activités qu'elle est en train de faire. Mm-hmm. Pas de la manière dont la commission a été mise en place. Ça, ce n'est pas mon rôle. Mm-hmm. Oui, professeur Evariste Ngaï-Menda, qu'est-ce qui devait être fait pour que la commission puisse servir à tous les Burundais? Ça m'étonnerait qu'elle puisse servir à tous les Burundais. La commission va servir à son maître. C'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais cru à la politique du fait accompli. Cette démarche de cette commission relève de ce qu'on appelle le fait accompli. Deux, je vais illustrer ça à partir d'un exemple assez bien connu. Je suis très à l'aise parce que je suis en face de Festus. Je suis historien. Festus, tu étais membre du MPD ou tu suivais les activités du MPD. Je vois un des rapports du MPD de 1992, au moment où le président Buyoya mettait en place sa démarche pour la politique d'unité nationale, pour l'élaboration de la constitution, etc., vous avez toujours systématiquement refusé d'avance les commissions qu'il créait, au motif qu'il ne lui appartenait pas de vous désigner vos délégués, de désigner vos délégués dans vos rangs. Et on était encore sur le parti unique. Ce que vous refusiez sur le parti unique, vous voulez que nous l'acceptions après 25 ans de multipartisme. Vous êtes rattrapé par votre propre passé. Le MPD est au musée. Je vais terminer par là. Le MPD est au musée. Je ne discuterai plus. Il est au musée, mais il a existé. Je parle de l'histoire. J'ai répondu. Et c'est l'histoire, et c'est votre histoire qui vous rattrape. J'étais président. Alors, trois, je le sais. Trois, tout ce qui est en train d'être dit, tout ce que vous nous dites que la population dit, je ne suis pas convaincu que ce soit dit de façon autonome. Si il était permis aux autres, c'est-à-dire à ceux qui sont différents de ceux du CNDD-FDD, s'il était permis à l'opposition d'aller sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'avec la même population, on rentrerait nécessairement avec les mêmes résultats. Voilà pourquoi, a priori, je ne suis pas convaincu, je suis surtout convaincu que de cette commission. Et si les choses allaient bien, cette commission, si les choses allaient cette bien. Commission, non, écoutez, si et les iront bien, comme vous le voulez. Si les choses allaient bien, vous cette commission, pas parler pour les pronats. C'est les pronats au conseil qui seraient ici. Cette si commission. Vous comme ça, vous ne devriez pas être ici. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer de vous laisser donc, la parole. Cette commission ne sera ici, jamais, ne sera jamais autre chose qu'une véritable caisse de résonance. Faustin Dikoumana, qu'est-ce qui devrait être fait pour que la commission puisse vraiment servir à tous les Burundais? Nous, nous ne versons pas dans les intérêts des politiques, des intérêts politiciens. Pour nous, l'important, c'est considérer la Côte d'Arusha comme un patrimoine national. Nous, nous voulons, mais nous prenons pour même, nous voulons l'immortaliser. Nous regrettons que sa date de signature passe inaperçue aujourd'hui. Pas même en discours officiel. Le minimum, c'est au moins un discours officiel de rappeler surtout à la jeunesse cette date est symbolique. Un jour, le Burundi a été laminé par une grande période de crise. À un certain moment, on a signé un accord qui nous a fait associer sur ce qui nous a doté une constitution consacrée au partage, qui est la base de la réconciliation. Au moins savoir ce passé. Si on a partagé le passé de la guerre, il faut partager le passé de la réconciliation, surtout la jeunesse. Avoir des documents de référence qui cimentent la stabilité politique et la bonne gouvernance et la relance économique. C'est vraiment la base. Sinon, la commission, pour moi, si la commission elle est là, l'essentiel est qu'elle ne touche pas sur les acquis citoyens. Au niveau de la société civile, ne touchez pas aux acquis, aux avancées déjà. Sinon, le fait de débattre sur l'économie, continuez à débattre, mais les acquis ne touchez pas. C'est la fin de l'émission Mosaïque d'aujourd'hui et je rappelle qu'on était en train de débattre sur le rapport de la Commission nationale de dialogue interbrundais. Et voilà, nous remercions nos invités, nous remercions Festus Nanyungu, vous êtes secrétaire exécutif de la Commission nationale de dialogue interbrundais. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à Faustin Dikoumana d'avoir répondu à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à Evariste Ngaï-Menda d'avoir accepté de participer dans l'émission Mosaïque. Merci également de m'avoir invité. Marie-Ange Nzeiman a animé ce débat. Eric Ouimana a assuré la mise en onde. Léon Suitaliho était à la réalisation. Et merci à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée. Mosaïque.